Vas-y mon garçon. Compte-moi donc une farce, j'ai plus de sourire d'en face. Laissez-moi le dindon. C'est comme ça, c'est plate, c'est comme si j'avais un flat. Je n'avance même plus dur que long. Si tu veux que je fasse, mets-toi à ma place. J'ai même pas pu dire non. Je veux payer de la taxe, de la surtaxe, pis de la boisson. J'ai plus rien dans mon sac, je mangerais bien une claque, même si ça goûte pas bon. J'ai pas envie de me laisser faire. Autant le temps nous mange tout rond, autant le temps tourne en rond. J'suis prêt d'accepter la misère comme un salut pour un calvaire. Dans le temps y'avait une solution, on appelait ça des élections. Je veux payer de la taxe, payer de la surtaxe, payer la voie.